espagnol habillé pour la némoïde. Chérie de mon cœur, l'espoir de ma vie, la body wagno la mie pour la nemo et ton bébé. Voici le bébé, aussi nous va bébé, et banjaba la bossine. Voici l'imé le bébé, aussi pas les bébés. Nabodi wanyo la miedo bangande.